music. Les nôtres d'abord, les autres ensuite, voire jamais si possible. Dans cette époque où la matrice nous abreuve d'antiracisme, où nos frères en Afrique du Sud se font massacrer par des saloperies de nègres. Comment ne pas espérer le retour en force d'Adolf Hitler? J'ai des velléités génocidaires depuis que j'ai pris conscience qu'avec ces macaques venus d'Afrique, on pourra jamais s'entendre. Égalité et réconciliation pour les Aryens, les Slaves, mais les autres peuples de la création, eux, n'intéressent pas. Tu peux garder tes fables et ton apologie de la société multiethnique, diversité. C'est le féminisme pour dire ouais, génocide. Des hordes de putain de pas qui font le remake islamique d'Anne ou les petites anglaises. Ces sales races, faut qu'on les crève. Ainsi que les flics, les magistrats, l'état-major de la Ligra. Suffira juste d'être sentier-pied et toute la racaille abdicra. La seule réparation que t'auras, c'est le retour dans ton champ de coton. N'oublie pas de dire merci, Boina. Je répondrai de rien, Bamboula. Rawa. De mon retour plus qu'atteint, on se contentera pas d'Orania, faut qu'il le sache bien. C'est toujours les mêmes PD qui te parlent de biodiversité, font l'apologie du métissage sans même sourciller. Mais sur moi, les mind tricks de la casse des élus ne fonctionnent plus. Je compte pas laisser ces putains d'youpins m'avoir à l'usure, comme ils savent si bien le faire. Le perpétuel bras de fer entre la synagogue de Satan et le camp du bien. White power, c'est pas vraiment le délire à la base, mais ils ont trop tiré sur la corde. Normal qu'on se radicalise, c'est pas juste ok d'être blanc. En vérité, c'est plutôt cool de pas avoir le quotient intellectuel d'un nègre ou d'un bougnoul, partisan d'une guerre totale avant qu'il ne soit trop tard. Les mahométans sont pas contents quand tu éventes leur taquin. Et si je fais je déchionnis chaque fois que je refuse de tendre la joue, je crois bien que la Palestine sera rasée d'ici quelques jours. Le but c'est dénégrifier les esprits des jeunes blancs sous son main juif. Je crois bien qu'il était plus que temps d'arrêter l'hémorragie. Les déicides voudraient en nous faire don de leur malédiction. Impatiemment j'attends le retour de la bête immonde. Rawa. Jamais entendu de rap français aussi raciste. Inch'Allah qu'Alain Jakubowicz en fasse une crise cardiaque. Est-ce de l'islamophobie ou de l'antisémitisme? Si je déteste moi le califat de Bagdadi, le crif de Khalifa, ils ont érigé la dystopie démocratique sur le mythe holocaustique. En plus ça rapporte un tas de fric, mais faire exploser l'Afrique de manière démographique reste le plus grand crime contre l'humanité qu'on ait jamais commis. Si avec le bruit et l'odeur ça passerait encore, mais on est loin des futures montagnes qui connaissent Hugo Parker. C'est dans le rejet, la haine de la diversité que je m'épanouis. Donc qui sont-ils pour prétendre m'empêcher de vivre ma vie? Faut passer par les armes, les grosses putes comme Belkacem, les saloutres comme les Klarsfeld. Hormis pour ce qui est du Christ, j'adhère à la doctrine de Ben Klassen. Annihilation enclenchée, purification programmée, arianité préservée. Rawa.